On est toujours au Hellfest avec trois des membres de Ashen. Salut les gars, merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci à vous, bonjour. On va de suite commencer, on va pas perdre de temps, on va parler de votre présence au Hellfest. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous étiez déjà venu à plusieurs reprises, donc c'est pas la première fois que vous mettiez les pieds ici. Alors, en tant qu'artiste, c'est la première fois qu'on vient, ouais. Mais en tant que festivalier, moi je sais que je l'ai déjà fait il y a 3 ans, le Hellfest. Okay. Clément l'a fait plusieurs fois, je pourrais pas te dire les années. Ouais, non. Tristan l'a fait aussi, je crois. Mais je vais lui donner le micro plus tard. Mais moi j'étais en 2022, l'édition avec Gojira, là où ils avaient splitté d'un week-end à l'autre. Ouais. Bon, j'avais pas fait la deuxième partie avec Metallica, mais j'avais vu quand c'était Gojira, j'avais vu Korn, j'avais vu Down avec Financielmo, enfin voilà. C'était génial, j'avais adoré. Ouais. Et moi, du coup, c'est ma première journée au Hellfest de toute ma vie. Je suis jamais venu. Okay. Et donc, je découvre. Là, ça fait quelques heures. C'est super. Ok, justement, alors, je parlais plutôt avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Hellfest au global, de l'environnement, de tout ça? Alors là, je suppose que tu as promené un peu hors de la zone VIP. Notre planning a fait que on a fait le concert, ouais. Et ensuite on est arrivé ici et on a commencé les interviews. D'accord. Donc on a juste fait un petit tour pour aller sur un stand là-bas pour faire un showcase. Okay. Le stand de Arthur, on t'embrasse. Et donc du coup on a fait un petit tour. On a pu voir un peu la déco et ça, c'est incroyable, je trouve. Ouais. Et l'ambiance est super, il fait très beau, les gens sont beaux. Tu vas avoir encore un peu de temps après pour découvrir tout le truc. Ok. Bah, du coup, là je vais parler un peu plus au niveau du groupe en général. C'est quand même, je suppose, très important pour vous d'être programmé sur le Hellfest. Je suppose que vous l'avez pris avec une grande joie quand on vous a contacté, quand vous avez eu l'opportunité. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on tannait notre producteur. Régulièrement, on lui disait, bon, Damien qu'on salue d'ailleurs, on l'embrasse très très fort. Damien, il est juste là. Non, on lui disait, bon, Damien, merde, allez, maintenant on va au Hellfest et on le fait, quoi. Et un jour, il nous appelle et puis il nous dit, bon, bah les gars, voilà, c'est là, apprendre ou à laisser. On prend quand même, quoi. Hein. Et c'était trop cool. C'est trop cool, mais ça veut aussi forcément dire, là, tu peux pas merder, mec. T'arrives en plus sur un slot, t'es pas en ouverture non plus, tu vois, tu joues à midi 15, donc voilà. Et dans tous les cas, même si on avait été à 10h30, on aurait fait le même travail en prépa. Ouais. Mais c'est sûr que ça te met une petite pression en plus parce que t'as quand même trois groupes qui jouent avant toi. Et puis t'as le line-up aussi derrière, en fait ça défile et c'est la crème de la crème. Donc toi, il faut que tu sois au niveau aussi, quoi. Bah justement, comment vous avez vécu ce concert? Parce qu'en plus... des belles surprises, se payer Will Ramos. Ouais. Ah, on l'a pas payé. Avoir l'opportunité de l'avoir. Mais... Ouais, on a eu de la chance là-dessus, on connaît bien sa chérie. Et donc voilà, ça s'est fait, c'était cool, ça. Tout s'est bien coordonné en vérité, on a eu de la chance. Et voilà, pour ma part, je vais passer le micro après, mais pour ma part, c'était incroyable, quoi. Évidemment, tu prépares beaucoup ce moment, tu t'imagines beaucoup de choses. Et c'est fidèle à tes attentes, en fait. Il n'y a pas de déception. Je crois qu'il n'y a pas un groupe qui pourrait prendre un micro et te dire, bon, voilà, aujourd'hui au Hellfest c'était pas fou, quoi. Tu vois, à part si vraiment genre t'as une merde pas possible et que vraiment t'es omnubilé par cette merde et que ça te détruit ton concert. Là, franchement, je pense que c'est vraiment un événement assez incroyable. Mais globalement, quoi, pas que sur scène, vraiment aux alentours aussi quand tu vas voir à droite à gauche. Et puis l'accueil, les gens sont vraiment très très cool et très stylé. Donc franchement, pour le moment, de ce que j'ai vu cette année, que du bonheur. J'ai oublié la question parce que ça fait trop longtemps. Il y a trop parlé, tu veux dire? Oui. ma question, c'était de savoir un peu vos ressentis lors de justement votre passage sur scène au Hellfest. Pour être honnête, j'ai encore du mal à savoir ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens. C'est un chamboulement de plein d'émotions. J'ai pleuré en descendant de scène. J'ai pas pu dormir, j'ai très peu dormi l'année dernière parce que le sommeil a été dur à trouver. C'est comme Tristan l'a dit, hein, juste au titre, hein, c'est tellement quelque chose qu'on attend et qu'on, dans une certaine mesure, qu'on appréhende que, une fois que c'est fait, c'est difficile de redescendre un petit peu du nuage, quoi. Mais bon, évidemment, je vais dire ce que j'en ai pensé. C'était, je pense, une des plus grandes journées de ma vie. C'est complètement fou. J'ai jamais vu autant de monde de ma vie. On voyait même plus le sol avec tous les gens qu'il y avait en face de nous. mon syndrome de l'imposteur explose, bien sûr. Mais, bien sûr, ça c'est le classique. Mais c'est complètement fou, des journées comme ça sont bénies dans une vie, quoi. Je passe le micro à Nils. Et enchanté, vous êtes maintenant avec Nils. Personnellement, ouais, j'ai un peu imaginé forcément tous les pires scénarios possibles. Pas que je sois pessimiste ou quoi que ce soit, mais parce que je suis en charge aussi du côté technique, en partie. Et si jamais il y a un souci, c'est ma responsabilité. Et donc, il y a un peu ce sentiment pendant le concert où plus le concert avance et plus tu te dis, il n'y a toujours pas eu de souci. Donc la pression descend un petit peu. Et à la fin, tu es genre, OK, il n'y a pas eu de souci et c'est super. Et donc, très très content de ça et extrêmement content de comment on a été reçu par le public. Il y avait une super ambiance, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, nous, on est très contents. On a vu que tout le monde avait bien apprécié votre prestation. Ouais, c'est, non, c'est cool. On savait pas à quoi s'attendre, mais on s'attendait pas à ça. Donc, c'est super. Tu parlais tout à l'heure de votre place sur l'affiche. C'est d'autant plus fort que vous avez pas encore sorti votre premier album. Donc, ça fait quand même forcément plaisir aussi. Ouais. Cet album, moi, j'ai eu l'opportunité de l'écouter cette semaine. Est-ce que vous pouvez un peu teaser pour les gens ce qui va y avoir dedans, ce qui va se passer dedans, ouais, ce qui va se passer de 12 en septembre, vendredi 12 septembre. Normalement l'album aurait dû être release il y a une semaine. Ça a été un peu le deal d'ailleurs avec le Hellfest, pour être très honnête, . C'est vrai que généralement le Hellfest préfère aussi accueillir des groupes qui ont une actualité, notamment un album. Il se trouve que c'est pas du tout notre sort aussi, hein, donc on n'y pouvait pas grand chose. Mais c'est un bel album, un album très très très varié. Je pense qu'on y a mis tout notre cœur. On a essayé d'aller là où on n'avait encore jamais été. Et je sais pas ce que toi t'en as pensé à l'écoute, mais en tout cas, on a vraiment fait des trucs qu'on n'avait encore jamais fait, parce que c'est des choses qui nous touchent personnellement. On a voulu être assez honnête, on a voulu se faire plaisir et en même temps aussi montrer aux gens avec ce premier album que on était tout terrain, quoi. On pouvait vraiment faire beaucoup de choses et on voulait pas trop se classer dans une catégorie. On voulait vraiment essayer d'élargir aussi, tu vois, toutes les possibilités pour notre futur. Donc, on se retrouve quand même avec quelque chose de très très diversifié, clairement. Ouais, vas-y, avec plaisir. Pour essayer de synthétiser, Je pense pouvoir dire que avec ce premier album, là où on essaye de se placer, de se positionner, la direction qu'on est en train de prendre, je dirais qu'il y a un tiers de morceaux extrêmement vénères, violents, agressifs. Un tiers de morceaux plus doux et avec de l'émotion et sur lesquels on essaie de mettre l'accent sur la beauté et de la sincérité. Et un autre tiers de morceaux plus un peu ovni, des choses qui sont un peu complètement crazy, quoi, complètement fofolle. Du test, carrément du test. Non, je dirais pas du test, mais je dirais des choses hybrides et sur lesquelles on essaie de varier les genres, quoi. Et voilà, je pense, la direction que prend ce premier album, quoi. En deux mots, je pense qu'on a cette envie d'essayer de, au fur et à mesure du temps, trouver le truc le plus honnête et le plus nous possible. Ouais. Et je pense que on s'est dit, bon, on se bride pas, on essaye de faire... On prend des risques, si les gens penseront que c'est des risques, tant pis. Mais on a envie de faire ce qui est au plus proche de notre cœur et de ce qu'on avait envie de faire, quoi. En parlant de choses qui vous tiennent à cœur, il y a aussi toute la partie texte, toute la partie peu message à faire passer. Moi, j'ai vu une vraie volonté de faire passer un message autour de tout ce qui est peur, dépression, des sujets qui finalement touchent. Je suppose que c'est aussi des choses qui, des thèmes qui vous touchent directement pour que vous vouliez en parler. En vérité, on a la possibilité de pouvoir le... Oui, vas-y. C'est le micro, mais en vérité, nous on a une chance, c'est qu'on peut le... L'extérioriser. On peut le mettre aussi au service des autres. Et ça, c'est quand même une chance incroyable, surtout quand on voit les réactions que ça provoque. C'est quand même assez hallucinant. Donc, oui, évidemment, mais c'est des choses qui sont quand même vécues par tous. Je pense qu'on a tous peur, on est tous un peu dépressifs dans l'âme. On a tous des moments dans la vie qui sont pas forcément très très faciles. Et voilà, et je pense que nous, c'est notre manière de pouvoir aussi extériorisé. On a cette chance-là, encore une fois. D'autres le font autrement, je sais pas, sur toile, ou en allant faire du stock-car, tu vois, enfin, voilà. Oui, je suis d'accord avec ce que Tristan dit, et pour compléter, c'est vrai que le fait de vivre et d'avancer dans cette société moderne actuelle engrange forcément beaucoup d'émotions différentes, et on essaye de... Je sais pas, de représenter ce que tout le monde vit, en fait, dans tout un chacun, tous les gens normaux, tous les gens qui sont comme nous, tous les doutes et les incompréhensions qu'on peut rencontrer. Voilà, on a la chance de pouvoir aussi avoir envie de parler de ça et de se livrer aussi à nu, quoi, dans ce qu'on raconte. J'ai rien à rajouter. Très bien, ça marche aussi. À partir de septembre, vous êtes au quatre coins de la France à peu près, ben, yes. Vous passez notamment chez nous à Toulouse, j'ai plus Rex. Au Rex, ouais, en septembre avec ouais, on est Toulouse, il est pas flagrant non plus, ouais. Ah, tu vois, comme quoi pour une fois qu'on nous dit ça. Donc ouais, bah, ça va être une super expérience humaine pour le groupe de se lancer là. Carrément. Sur une tournée de plusieurs dates, sur un peu sur la longueur, ouais. Je suppose que vous attendez ça aussi avec impatience. Grave. Surtout, ouais, on avait fait du coup déjà plusieurs tournées, mais là c'est vraiment notre première tournée headline. C'est la vôtre. Donc, avec en quelque sorte un peu notre public. Enfin, voilà. Et non, on a vraiment hâte. Et on espère qu'il y aura beaucoup de gens et qu'il y aura une super ambiance. Et voilà. Je vais finir avec une dernière question qui parle un peu plus de votre du style général que vous représentez, à savoir le metalcore au sens large. C'est un style qui monte énormément en France et même à travers le monde ces dernières années. Est-ce que vous entretenez, vous, des relations particulières avec les groupes français notamment, bon, forcément vous connaissez un peu Will vu qu'on vient d'en parler, mais je pense aussi aux Novelist qui jouaient juste après vous, ou des Landmarks, des groupes qui en fait sont en train d'énormément peser. Vous entretenez aussi des relations avec eux? Je réponds très rapidement et ensuite je passerai le micro. Mais je trouve qu'il y a justement vraiment ce truc très sympathique où même les Landmarks qui sont maintenant énormes, on peut toujours discuter, on s'envoie des messages quand on se croise et tout ça, c'est super sympa. Et c'est pareil avec Resolve, avec 1056 et tout ça, Rêve Noir et... 1056. 56. 56, merci. 1056, voilà, 56, hein, on est bien tant, français. Tant même. Sont sur votre prochain album en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Sur un titre. Ouais, c'est évidemment une scène qui se côtoie beaucoup. Il n'y a pas encore énormément de groupes, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de groupes qui émergent et c'est trop cool. Et c'est des groupes qui... défonce tout en vrai, mais on voilà, nous étant parisiens, ouais, forcément on côtoie beaucoup les Novelist, on les connaît très bien, ils nous ont offert beaucoup de choses sur notre propre développement, nos premières tournées en France, en Europe. 1056, bon voilà, c'est pareil, c'est vraiment des super potes, les Landmarks, enfin voilà, en vrai c'est une scène solidaire et c'est assez plaisant, quoi. On se file des coups de main et puis voilà, puis on s'inspire un peu les uns des autres et puis c'est cool. En vrai, c'est vraiment cool. On a encore ce petit côté, ça reste un petit microcosme. Ouais, tout ensemble. Et donc tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie. Évidemment, parfois, des gens qui s'aiment pas trop, mais bon. Ouais, mais ça, des petites tensions, voilà, c'est normal. C'est normal. C'est la vie. C'est vrai qu'on a l'avantage de faire une musique qui est assez niche malgré tout. Et voilà, exactement, c'est ce que j'essayais de formuler comme idée. Les concerts de metalcore en France ne sont pas monnaie courante. Et du coup, on a vite fait croiser les mêmes personnes et de fait de sympathiser, de se rencontrer, d'être proches, quoi. Voilà. Et pour synthétiser, je dirais tout simplement que c'est la grande famille du metal français. Voilà. Ok, bah écoutez, on arrive à la fin de l'interview, je vais vous libérer, que tu puisses aller découvrir le reste du site, que vous puissiez... Voilà. Voilà. Rester avec jusqu'à 20h. Ah, oh, il restera encore 2-3 trucs à voir. Il y a des trucs qui se sont un peu décalés, du coup. Ouais, d'accord. Mais on le fait avec le sourire, avec grand plaisir, on rencontre plein de gens. Pardon, excuse-moi, du coup j'avais pas le micro. On le fait avec grand plaisir, vraiment, on est très contents aussi, parce que vous êtes notre premier contact post-show aussi. Non, oui, on n'a pas rencontré notre public pour le moment. Et surtout, on n'a même pas eu le temps de débriefer entre nous. Non, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Non, mais donc ça fait plaisir de savoir que vous étiez en face et que vous avez apprécié le moment, parce que pour le moment, on n'a vraiment pas rencontré les gens qui étaient en face, mis à part les journalistes qui sont ici. Donc vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et votre passion surtout. Et merci à vous. Je vais conclure en disant merci à vous pour l'intérêt que vous nous portez et surtout pour les questions finalement pertinentes aussi que vous nous posez. Ça fait plaisir d'être en interview avec pour n'importe quoi. Avec plaisir. Et ben écoutez, on reparlera forcément un peu de vous à la sortie de cet album et après il faut vous retrouver aux quatre coins de la France bientôt. Au Rex à Toulouse. Au Rex à Toulouse. Avec grand plaisir. Merci les gars. Merci.